Chapitre 17 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couëlac. Chapitre 17. L'auteur dramatique. Il y a dans l'existence de l'auteur dramatique un moment bien difficile et bien dur. Nous en parlons parce que cela se rattache à notre sujet. Plaignez le Bayard ou le Benjamin entier, qui a une pièce mise en répétition dans la dernière quinzaine de décembre. Comprenez-vous la conséquence de cette faveur fatale que lui a accordée la direction? Il faudra qu'au premier de l'an, il apporte des bonbons et des surprises à toutes ces dames. Supposez que la pièce soit une féerie et qu'elle emploie 15 ou 20 actrices sans compter les accessoires. Et jugez de la dépense que le malheureux auteur va avoir à faire. Les vieux loups de coulisses se tirent ordinairement de ce mauvais pas par un cadeau de peu d'importance et par un bon mot. Ils donnent à la première amoureuse un polichinelle de pain d'épices. Le lazy fait passer le polichinelle. Et quand la première amoureuse a accepté du pain d'épices, la troisième ingénue serait bien osée si elle l'exigeait davantage. Tout le monde rit et la farce est jouée. Mais l'auteur débutant, qui est encore mal à son aise dans le foyer et qui baisse les yeux quand la maîtresse du directeur lui parle, craint toujours de ne pas faire assez. Il se ruine en dépenses folles. Il mange ses droits d'avance et c'est en rougissant qu'il offre le présent de bon goût dont il vient de faire l'emplette chez Marquis ou chez Sus. Si vous devenez jamais auteur d'un quart ou d'un tiers de votre ville, intercalez la phrase suivante dans vos litanies. Des pièces répétées au jour de l'an, délivrez-nous, Seigneur. Fin du chapitre 17. Lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009.